Le soir venu, ça se rafraîchit. Dans un pot-au-feu, on met des carottes, des navets, des poireaux, des pâtissons, des rhododendrons, des rutabagamal, des rutabagamal, des rutabagamal, des rutabagamal, des rutabagamal, des rutabagamal, des rutabagamal, des rutabagamal. Et des choux. Choux. Et le chou gras. Tu mets ta main dans ta foufoune. Oh, chou. Un sacré bébé. Tu vois ton sexe ma chope les dents. Oh, chou. Abricot. Tu regardes en tout de la serrure. Oh, chou. Ce n'est pas la peine d'en rajouter.